Ok, dédicace Silverback, LOS 33 prod. Si, si, ma main. C'est du lourd, c'est du freestyle. Encore un son, histoire de marque à la légende. À 8 mesures, c'est alléchant. Plus de ça, y'a tous mes chants. Si, si. Encore un égo trip que mes rocs kiffent. Un mérogis, ceux qui s'en sortent avec un mental comme Rocky. Ça fait galerie, toutes les victimes, j'ai vu grandir dans les tic-tac. Sont très gentils devant les plats, font les bandits. Au max, c'est bon, vas-y, poteau, écoute les fuites. Écoute les fuites. Et pour finir, je remercie ceux qui ont qu'écrou les puits. C'est qui ce mec, petit Renoir sec et un gros bec au bec. Venu péter le pit, brûler le mic et dégoûter des types. Oui, j'aime couper des têtes, demande à Pop s'il connaît le truc. Méprise ton gars, tu prends genre pour les langues de pute. Je représente le vrai hip-hop depuis l'époque du pop. Bientôt dans les boîtes, pas de la sasse, c'est du frais que je t'apporte. Retiens le blast, mon type album te dédicace. Diable du mind, dernier du neuf pas efficace. Celui qui pète les scores, celui qui te baisse et qui remonte les stores. T'es pris de vitesse car dans ma tête on n'attend pas les ordres. 92 lieux de résidence et de naissance. Bagneux, 22 ans de vie commune d'une vie cramée à essence. Quand braquer le rap en moins d'un 16, toi tu cries mon nom. À l'heure du procès, le rap est deck, l'avance n'est qu'une genon. Seul ou en nom, tu trop tranché en serpère. La vague qui passe pas dans les peuples, représente pour les refs en chien. C'est Néo pour les rancards, le groupe planqué dans le placard. La nuit s'annonce arme, un gros cigare a remplacé mon arme. Le micro mon or, je fais briller mon art. Un coup constant et je bascule, ce soir les lumières s'allument. Ça craint pas, n'est que de passage dans ce monde sur la place. Je chante ma mélodie, celle du cœur, ne bise pas nos rêves. Comme une bourricoise, serré sur le déco, mon haleine de Malibu Coco. Je laisse les beats chacter, à faire monter mon buzz, je devrais les dédicacer. Aucune tarte n'est assez dingue pour me flinguer. J'ai les couplets trop cinglés, paré à lâcher tringlé. Même en indé, je suis blindé. J'suis trop détesté, on m'a trop testé. Mais mon bic s'est fait respecter. Aucune pédasse, aucune menace ne pourra me freiner. Appelle-moi savant des rimes et gay anti-pédé. Paroles coupées au rhum. Ça vient de cette déchaîne, un brouillard de sonne. C'est ma mauvaise haleine, tu nasses dans les oreilles. Pour mieux traîner mes semelles, tout est mérusé. Mais pour fuir les invertébrés, j'ai plus le choix. Faut que j'avance sans être camouflé. Même si je m'étouffe, faut que ma famille soit abritée. Les frères qui marchent sans talon, pas de bruit, c'est mon talent. Dis celui qui dit, qui fait et qui se tait. Eh mais c'est à qui là? À Raquel, alors qu'est-ce qui se passe? Pour ce projet là, on m'a dit, balance tes mi phases. C'est des bonnes, pas des phases, t'inquiète pas pour ça. Je viens de l'Essonne d'en bas, frais comme un pur sang. T'es prêt pour du pur sang? Je vais remplir tes tympans. Ça ressemble à d'un d'eau quand je vais ce qu'il est pimpon. Je vais choquer tes remparts, briser les remparts. Ça sort d'un bloc à 6 marques, 9-300 comme code barre. Imagine petit bac dans une école primaire. Un bain de sang comme ce freestyle et ça depuis la première. Face que je débute sur ce beat, je décapite les rimes dans le son. Ramène des capotes, donc barre-toi connard si t'es pas adepte de son pur. J'ai grip de Massy. Encore un son pour les jeunes des blocs 80 en gangsta. Donc lève ton bloc si t'es un mec qui se. Encore un son qui va t'enfoncer la bouche. Faire sauter les tabous, toujours au P pour défoncer la boucle. T'inquiète, ça va faire frissonner ceux qui écoutent. Tipeee, c'est cool pour les bonhommes qui ont des couilles. On vient de là où c'est rare d'être dehors sans suite. Là où si tu te trahis, tu te fais racole jusqu'à ce que mort s'en suive. Jade Massy, 9-1 dans les zones. Là où devant les sommes, les meuhards, ça les sort. Faut causer, juste avant les heures qui pensent qu'à causer, qu'à bosser. Faut te faire zizir dans ta caisse qu'à bosser. Cousin, pour toi j'ai un truc à te proposer. Fais une pause, on manque le son, écoute c'est proposé. Coco c'est juste un fumeur cheat, t'es de bon air. Créateur de ce mort qui te kick comme le banner. C'est pour Massy, Souvi, Anthony et la banlieue sud. Pour tous les quartiers de France où Sarko n'est pas en lieu sûr. Moi c'est R2, j'arrive pour poser 8 lignes. Toujours avec la patate pour ceux qui pensent au suicide. Pour ceux derrière les barreaux, sachant que la vie n'est pas rose. Reste mignon, fais attention avec tes paroles. Moi c'est R2, Nacedo à ma droite. Tu trembles devant nous comme un passage devant la douane. Moi c'est R2, je répète si t'as mal compris. Passe nous voir aux Ulysses, tu verras compris. La rue devient trop cool, moi je reste un plaque instable. Moi je fais mes dièses, mon rap pendant que tu tapes plein de crabes. Okay. Moi c'est Nacedo, excessif représentant. Là je suis pro du son, LOS gangster. Je représente les miens, bâtiment 1. Du D1 au D5, qu'on nous prend pour des dingues. Ok, sors le flingue si tu te sens visé. De ton crew t'es la risée, tu crois que je vais te gliser. Vois la cible humaine, les erreurs je les énumère. Pas de sens de l'humour, derrière les murs, tous les ennemis même. Je frappe les décibels, crache des faces, des récits trash. J'ai décidé d'être système pour la crasse des immeubles. Je joue pas sur mes humeurs, c'est pas pour les ML. Entre les mal aimés et les haineux, je parle des émeutes. 91, la street se maquille comme une scène de meurtre. Viens voir où les chiens demeurent. Encore un son de plus afin de vivre avec mon spleen. Me tuer à coups de spliff, purifier l'air que je respire. J'ai tellement fumé que mon corps ressent la beuh. Mon âme un gros trou noir qui m'a plongé dans l'abîme. La vie est pleine d'aubaines, j'ai toujours pas trouvé la bonne. Ma peine m'a rendu borne tout en dépassant les bornes. Sinon le mélancolique pour une histoire de refrain. Et si c'était ta frère, crois-je sûr je le referais. Tu grattes la feuille, tu veux de la fraîche, ça fout le spell quand ça rap sec. FUZT Y de 97 à 2007. Je sais ce que j'ai à faire, t'inquiète t'as pas de soucis à te faire. Bellec à tous ces piques à 7 pour qu'on passe pas. pas sur la FM. Quand ça freestyle, tu fais style que tu n'entends pas. Quand ça fait mal, ça fait zarbe, par où ça passe. Mais c'est pas toi qui va me dire comment je dois faire mon taf. Sur mon télin, sur mon tab, tu as coupé. A seul ou pas là, pour Joku là pour mettre ça. On rapplique son beat et ça, quel que soit le freestyle. Avec la radio, ventile le pot de manière bestiale. Sound boy, c'est pour les bouquets légales. Parce que dans la vie, vaut mieux baisse que les plans pour chale. La vie c'est ça, la vie c'est hard, ça en devient banal. Moi j'ai opté pour côté seigneur de l'instrumental. On m'appelle Zaga Zaga Zag. Ils veulent dissiper la foule, diviser le peuple, maîtriser la pensée, c'est nous faire fermer nos gueules. Faire du profit sur nos côtes, j't'emmerde monsieur le patron. Pour moi c'est des vacances, vas-y monte le son. Pour t'en déplaire, je sais que le rap tu détestes. On prépare la rébellion pendant qu'il joue du Karcher. Mais les man, on a le droit de vote. Allons lui niquer sa mère, si il passe, on a du souci à se faire. Commis comme GTA, ou DMX dans Belly. En banlieue ou à Belly, le peurage dans Belly. Le fashion phase, c'est official, les fichas. Les flots, je me font chier, je fais une phase, ils sont tous fichus. 7-7, vous rack en caisse, en 2-0-0-7. Chilo qui dort, agent spécial, inverse de 0-0-7. Vrai négro, pour les boutiques, j'ai le middle finger. Tu comprends après suite, il faut être la midi le flingueur. Moi c'est qui sert enchanté, MC à la rime tranchante. Pas le profil du bon genre, j'm'en bats les couilles des gens. Flo caméléon comme Jarod, j'parode de ma parole. J'nique les keufs et c'est Sharon derrière Sharon. J'pète un cap dans le secteur, y'a trop de trick under. J'suis putain flic, appelle-moi Saïd dans la N2. J'viens de Long Beach City, verbal homicide. Si t'aimes pas, embrasse mes fesses et suce mon zizi. C'est Mafia qui reflète la rue du 9-4. Un petit mec qui s'empêche pas d'être mis à 4 pattes. Un portugais d'origine, aiguise les ustensiles. Sur mon couplet, j'affirme que j'suis clean et ce qui prime, c'est juste mon style. Mon stylo a plus de 10 grammes sur l'alcotex. Sans prétexte, RDLR de Fresnes, amateur de PES. Avec calibre comme fusil d'épaule, un 8 mesures qui sort du hall. Désolé si t'as pas le niveau pour zébaucher pop. Eh, c'est bizarre, j'suis en haut, pas dans les soutes. Ma son, c'est mon dada, alors crache pas dans ma soupe. Trois corps comme le mazout, quand j'suis avec ma zouze. Les soirs, j'brasse du noir, j'vais pas dans tes soirées mousses. Les carpous, ça charne et les babes, tout se cache. Donc le pic souffle du charme à toutes les go qui veulent la maille. L'espoir est die, parce que trop crève la dalle. Des mères pour une dose, redéfoncer les amygdales. Les rappeurs se sont barrés, en vrai, on n'est plus quatre. Parce que le public est aussi chaud que dans la pub cap. Les gens veulent des faces de sociopathes. Du style j'assaisonne et MC d'une sauce aux pâtes. Ils veulent des trucs qui feraient que TF1 nous filme. Bah écoute ça. Je suis muslim, non. Ce son chauffe, mais je remets au ma cote. C'est à la doom, baby, oh my god. On va me dire qu'on est des gens nous trop d'un pays. Comme l'on besoin pour se sentir réalité. Expliquez yo qu'un peu ce que yo est nous révolté. Comme l'on peut pas finir jouer et puis c'est Rizan Man. Je peux venir parler pour toutes les femmes et les hommes de Paname au Dom-Tom. Et dites-moi si je déconne quand je vois que Babylone ici tienne les rênes. Et que les jeunes aujourd'hui évitent de sortir des guerres. Tire, pour le combat que je mène dans ma vie comme dans mon rap. Parce qu'avec le diable pas de contact, pas de contrat. Pour l'espoir qui nous fait vivre, j'attends encore son émergence. Pour exutoire, car écrire vient une évidence. Parce que je suis à l'arrache, l'argot lui dira que je suis des Z. Mais sans aucune réserve, frappe le mic à la DBZ. Parce que je suis dans l'attente, la réussite me tend ses bras. Parce qu'il fallait mettre une lettre juste après le A. Oscar débarque, touché, parfois euphorique. Efface ton texte, j'arrive dans le corrige. On court sur un fourride, je viens des quartiers pourris. Les ambiances story, chaque jour on vit des trucs horribles. Moi je rapplique quand y'a d'attise, quand le bif est attractif. Quand les putes sont de la partie. Et que je passe à la pratique. On arrive, traumatise. Avec un rap issu des honneurs. CNL, ISF, on veut le succès pour la ma role play, nous sont pris pour des barbares. Et des bobards, tu peux pas m'embobiner ici. C'est pas du ciné ou MC pour assassiner. Si, si, Rizbeau, refrais, ça vient de la rep. Yeah, arrête le spliff et la rep. Yeah, c'est pour les blacks, les blancs et les rebeux. Ça vient du 9-2, bagneux, consciencieux. Bah ouais, ambitieux, bah ouais. Si ça part en couille, on s'en bat les cacahuètes. C'est l'hip-hop français mort, j'ai son retour comme la momie. Je demande c'est qui c'est B-A-L-O au chromie. Donc ça promet d'être chômé. Tu veux me tester gommé. Demande à Pop, tueur d'MC, on aurait dû me nommer. Sur la prod, j'grain les MC comme un pitbull. Mon flow est mérime énergétique comme du Red Bull. Donc dis à ton système, déclare t'es le boule. Massé gangsta, j'suis le porteur de la cagoule. Ok, encore un son de rage, gros CDSH pour Pops. Encore un son de vrai, un son fait tard, le hard top. Je parle d'un coin sale, neuf un mosophobe. Ou si t'es mal, son saute, en gros aux urgences, son choc. Man, bizarre, on a la rage, on pense de pas. Ranal, où tu es chargé par des stop man. Cherche pas, y'a pas de rat, négro sock man. T'as pas le choix, c'est toi qui vois, nous on sort les clocks man. Bad season 2, 3 bis zone 1. Mafieuse et criminel jusqu'à la fin. Rien qu'on m'a dit, respire, ça sent le parfum. Sociable notarial 22 si vous êtes 21. Donc j'ai de l'acier dans la cervelle. Métalliste de pare-balles. jaquette. Et la suite c'est full. On vit toujours en bas de nos halls, ça crave et ça roule. Ça clubbing et ça doute. Canal War 0. J'arrive de loin là où ça baisse. Si t'es docile, on commence par ta sœur. A terminer par faire le mal, je te dis à tout à l'heure. Au quotidien, ça pédave. La super ou de la Crystal Skull. Le bon Tosma vient droit d'Amsterdam. Le résultat des courses, c'est qu'on peut le braquer pour un nut. À la mode, le prix des guerres de gang, c'est avéré plus rush. J'aime Uzi, original crew. Agression verbale, musique, mec. C'est nous. Stop, du centaure, la voix elle flow pour te molester. Laisse, je manie la plume avec adresse. En lisant la haine dans les yeux, on rivalise. Vise, combien de larmes s'écoule aux assises. Je veux que mes mots s'impriment dans ta matière grise. C'est l'agression sur un son agressif, yeah. Parce que ce soir, le maillot, on est venu mouiller. Ha, sienne et l'impact, il est nié. What's going on? Hey, hey, hey, what's going on? Alors à ce qui paraît, le rap à mytho plus l'amertume. C'est soit tu changes de registre ou tu fermes ta gueule et t'enregistres. Aux âmes sensibles à te tenir, ton suite mais doit se contenir. Si pas des sans t'en rappelles, si y'a personne qui t'épaule. C'est les séquelles de l'époque qui fait que tu te rétractes et rétorques. Je vais de l'avant, j'ai les dents longues et un mental de choc. Mais parfois je m'en retraite quand les ondes s'entrechoquent. C'est soit t'es chic ou en schlag, soit tu cannes, soit tu shoots. Ainsi soit-il, mes textes hostiles. Trop de prétextes, ça tient plus d'un fil quand ta vie défile. Ainsi c'est fait, ainsi c'est vrai, je porte la plume de façon austère. Quand t'as encore les yeux bloqués sur ce putain de terre. Terre, t'as du mal à avancer sur cette planète Terre. Terre, d'ici de là, t'arrives à faire quelques dollars. C'est rare de trouver ça fait, on en a marre en effet. Mais vérité en indé, en ingé, c'est bon de se la surger. Négro, cherche pas test, test. Ici c'est les ODS, S. Écoute les sons qui plaisent, plaisent aux gangsters et aux banquets. Hein, pour le sud, je lance en réunion avec âme. Speed dans le bis, escroc qui zep cam. Avec ma mea, j'ai dead tous les lascars. ODS, les négros qui. C'est le son qui se consume sorti du droit des sous-sols. Cartel, squat, personne ici le port d'auréole. Tous les mauvais garçons avec chacun sa mission. J'consume le rap, gang, acide, ma jazz, mec ton. Dans le game, rien que des malfrats, mafieux, méfiant, méfie-toi. Je deviens encore plus furieux. Trop de rager pour tous ceux qui sont pas de ma banlieue. Chlorosif, agressif dans le milieu du hip-hop. T'allumes mon bras. C'est Silverback qui t'embarque là. De la même manière que ces grosses putes de la back. J'pète les enceintes, main comme un sans fin. Comme qui fait la plupart des femmes enceintes. Ensuite, j'te conseille de prendre la fuite. Si malheureusement tes capacités de débiter sont réduites. Mon calibre 9.5, pimpé comme virin. Cousine, c'est le virus qui t'encule. Si tu veux nous vaincre. J'ai grandi dans les salles rues sombres de l'Essonne. Poisson entre les blocs du Tchécar et la gare de Corbeil-Essonne. À l'époque où le 4 volts foutait la merde à chaud. Dans tous les huls, négro, j'te redis. J'ai grandi avec la haine des flics comme un doc dans. Je te raconte ma story sur du hate mesure. Toujours aussi explosif. Pour mon crew, mon place, c'est HK Y. Authentique artiste, fils de l'ISF 91. Beaucoup rap comme on va au ciné, les mêmes vont halluciner car je gère sans les filets. Viens le wax, t'es ciné. J'aime pour fusel. La tech quand j'ai plus d'air. La tech, je débite, je m'arrête quand j'ai plus d'air. Même les gens qui braquent, mais la plupart sans leur mic ont les dents qui claquent. Loin de ça, appelle-moi, j'aime l'autodidacte. Le show qui parle, rien qu'avec des mots qui fâchent. Micro-test 1, micro-test 2, bibis au test 1, renfile son texte Écoute ce freestyle, c'est pas du son à taille. Et mec, t'as vu le style, j'crois qu'il faut que tu tailles. C'est clair, je représente le 9 de BGX. J'suis pas BCBG, mais plutôt classé X. Hardcore, du hard du sang, t'en veux encore. J'te mords comme un pitarcore, sans remords. Période par période, tout s'enchaîne en prio. Rité, rester, vrai, prendre l'exode. FLEX ou FINGA, ZORK, maintenant tu connais le Bla. Ça vient de BA, GNEUX, PGX. J'enfile le manix, car j'suis venu fourrer le mix. 2007, tout est prêt pour que je la mette. J'mets le but dans le vrai, pas d'MC en crête, c'est l'heure de la défaite. J'avertis la vertu de mes vertus, mes perturbes. Comme un verre pur ou un joint de verdure. Si on a l'air dur, c'est qu'on manque d'air pur. Tous renfermés dehors, à chercher l'ouverture. C'est comme du rhum que je distille mes rimes. En plus de distille, c'est qui se type. Xanatos, l'eau qui dort. 7-7, qui se tape son mixtape. Si ton cerveau se disloque, dis stop. Des phases de D-lock, en plus de distop. Peu importe le style, j'arrive en cassant des purs. Sur scène, et nous comme Vincent Cassel, même en lâchant qu'un 16. Mesure le mode de vie américain m'a l'air hideux. J'fuck leur leader et leur idole comme Hillary Duff. J'représente les truands, les brutes et les bons. Pendant que les rappeurs se font la guerre comme les brunes et les blondes. Bref, j'arrive de spi comme Ashley Cole. Avec un flow d'acharné afin que mon rap français t'arrache les côtes. Encore un son qui va relever les déboires. Qui va pimenter le débat, qui va péter toutes les stats. J'suis le genre de gars puisse qui se la raconte pas. Les frères le savent, seuls ceux qui m'aiment sont ceux qui m'accompagnent. Mon idéal, bras de poucave et profiteur. Tous ces gens me foutent la rage, aussi triste qu'un rookie. Au mic c'est bon, je remercie tous les artistes qui ont ramené leurs lyrics net ou pété leur latisse.